si se règle à la querelle. Ça ne fait ni dans la fantaisie, ni dans la quenelle. J't'aurai demain ou après-demain, t'es dit pareil au même. J'suis la branche Al-Qaïda du game, j'les fais sauter eux-mêmes. J'suis la branche Al-Qaïda du game, j'les fais sauter eux-mêmes. L'une à ma gauche, leur sous les bras, béni soit ce qu'elles me viennent. J'ai tout eu, même ce que je ne voulais pas, j'aime être ce que vous n'êtes pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais je sais que vous n'y êtes pas. Sueur de taureau sous les draps, nique ta mère, on t'y aidera. Vous actez, car vous n'assumez pas tous ces millions. Tous mes pas, non négro, je ne te connais pas. Si crime tu ne commets pas, drapeau pirate sous les bras, on se reconnaîtra. Ma carrière est incroyable. Si je vais en enfer, je paye le voyage. Tu peux m'atteindre, mais je suis injoignable. La NZR que je traîne est insoignable. Je suis pas le nègre des allants. Raison, rock, sexe, idéalement. J'ai quitté le terre-terre au volant du RR. Tout de la cage, j'suis un expert. T'as aimé sucer, j'ai aimé céder. Au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme. Ok, j'contrôle la zone jusqu'en Guyana. J'ai posé le trône, faire le Fujiyama. Si je l'attrape, pauvre Yana, je vais la découper sur place comme ma béni Anna. Je la mets dans le Xer en cas de ragnagna. Négro armé jamais vaincu sur la boîte Zer de banania. On te trouvera dans une chicha, t'es qu'un sale rabia. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, arrête ton charabia. Je me suis juré d'être loyal. J'suis genou n'est couronné, c'est ça, d'être royal. Ma alarme son, c'est la noyade. Je reste incompris, ma carrière est incroyable. Ma carrière est incroyable. Si je vais en enfer, j'paye le voyage. Tu peux m'atteindre, mais j'suis injoignable. La NZR que je traîneZR est insoignable. J'suis pas le nègre des allants. Faisons rock, sexe, idéalement. J'ai quitté le terre-terre au volant du RR. Tout de la cage, j'suis un expert. T'as aimé sucer, j'ai aimé céder. Au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme. Je reste incompris, ma carrière est incroyable. Ma carrière est incroyable. Si je vais en enfer, je paye le voyage. Tu peux m'atteindre, mais je suis injoignable. La NZR que je traîneZR est insoignable. Je suis pas le nègre des allants. Raison, rock, sexe, idéalement. J'ai quitté le terre-terre au volant du RR. Tout de la classe, j'suis un expert. T'as aimé sucer, j'ai aimé céder. Au calme, au calme, aucun.